Chapitre 6. Ensuite, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce que les gens voyaient les miracles qu'il faisait en guérissant les malades. Jésus monta sur une colline et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit donc à Philippe, « Où pourrions-nous acheter de la nourriture pour leur donner à manger à tous ?» Il parlait ainsi uniquement pour voir ce que répondrait Philippe, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. » Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes ?»« Faites asseoir tout le monde, » dit alors Jésus. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, ils étaient au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et, après avoir remercié Dieu, les distribua à ceux qui étaient assis là. Il leur donna de même du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous assez mangé, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Les gens, voyant le miracle que Jésus avait fait, déclarèrent, « Cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Jésus se rendit compte qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la colline, tout seul. Quand vint le soir, ses disciples descendirent au bord du lac, montèrent dans une barque et se mirent à traverser le lac en direction de Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. L'eau du lac était agitée, car le vent soufflait avec force. Ils avaient ramé environ 5 à 6 kilomètres, quand ils virent Jésus s'approcher de la barque en marchant sur l'eau, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient le prendre dans la barque, et aussitôt la barque touche à terre, à l'endroit où ils allaient. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque. Ils savaient que Jésus n'était pas monté dans la barque avec ses disciples, mais que ses disciples étaient partis seuls. Cependant, d'autres barques venant de la ville de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand la foule vit que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et se rendirent à Capernaum pour le chercher. Ils trouvèrent Jésus de l'autre côté du lac et lui dirent, « Maître, « quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, en vérité vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et en avez eu suffisamment, et non parce que vous avez vu mes miracles. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et produit la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera parce que Dieu le Père a mis sur lui la marque de son autorité. » Ils lui demandèrent alors, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres voulues par Dieu ?»« L'œuvre que Dieu attend de vous, » leur répondit Jésus, « c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. »« Quel miracle peux-tu nous faire voir pour que nous te croyions ?» lui dirent-ils. « Quelle œuvre vas-tu accomplir ?»« Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme le dit l'Écriture, il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répliqua, « Je vous le déclare, en vérité ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Maître, donne-nous toujours de ce pain-là. » « Je suis le pain de vie, » leur déclara Jésus. « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi, et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et non ma volonté. Voici ce que veut celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ramène tous de la mort à la vie au dernier jour. Car voici ce que veut mon Père, que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle, et que je les ramène de la mort à la vie au dernier jour. Les Juifs s'indignaient contre Jésus parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». N'est-ce pas Jésus, disait-il, le fils de Joseph? Nous connaissons son père et sa mère. Comment peut-il dire maintenant qu'il est descendu du ciel? Jésus leur répondit « Cessez de vous indigner entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ramènerai de la mort à la vie au dernier jour. » Les prophètes ont écrit cette parole, ils seront tous enseignés par Dieu. Tout homme qui écoute le Père et reçoit son enseignement vient à moi. Cela ne signifie pas que quelqu'un ait vu le Père. Seul celui qui est venu de Dieu a vu le Père. Je vous le déclare. En vérité, celui qui croit a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» demandait-il. Jésus leur dit, « Eh bien, je vous le déclare. En vérité, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ramènerai de la mort à la vie au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang vit en moi, et je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant, et je vis par lui. De même, celui qui me mange vit par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres, qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. » Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. Après avoir entendu Jésus, beaucoup de ses disciples dirent « Cet enseignement est difficile à admettre. Qui peut l'accepter ?» Jésus s'aperçut que ses disciples s'indignaient à ce sujet, de sorte qu'il leur dit « Cela vous choque. Qu'arrivera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Par elle-même, la nature humaine n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais quelques-uns parmi vous ne croient pas, car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et il savait qui devait le trahir. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si Dieu ne lui en a pas donné la possibilité. » Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus dit alors aux 12 disciples, « Voulez-vous partir, vous aussi ?»« Seigneur, lui répondit Simon-Pierre, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Maintenant nous croyons, et nous savons que tu es le Saint venu de Dieu. » Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi, tous les 12 ? Et pourtant l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car Judas, quoiqu'il fût un des 12 disciples, allait le trahir.